Te souviens-tu de hier, de tes mains sur moi? Te souviens-tu du ciel, de mes mains sur toi? Cette étoile et ta bouche sur moi. Te souviens-tu encore de ta première fois? Fut-elle la dernière ou un raccourci vers l'au-delà? Opinion, corrosion. Te souviens-tu de tout ou juste de l'endroit? Ta vie s'y perd, se rattacher, s'entrelacer, se conquérir, se délaisser, puis s'exiler. Je me souviens de tout, de l'amour qui grandissait en moi. Je me souviens de toi, mais toi sans doute pas. Elle a joui toute la nuit entre ses bras, mais jamais plus elle n'entendra parler de lui, de quelqu'un comme ça. Il la baisa sans oublier, elle prélimina sans oublier la manière. Elle a aimé seule dans ses bras, pour toute la nuit, pour toute la vie. Elle a joui combien de fois, attachée à ses poignets, à s'attacher, à se caresser. Comme une fille, il la baisa. Comme une fille, en pensant en priorité. Sans faire un petit effort, souris, souris pour aujourd'hui. Qui souffle, les voiles au loin, les bateaux mouillent, les écluses rouillent, les gens qui savent, aveuglés par la foule, les oiseaux fourbes te jouent des tours, mais le destin, il est là dans tes mains. Il se moque de toi, il prend des notes, il se souvient de tout, il est jaloux. Ce n'est plus amoureuse dans la plaine. Ombre, tout n'est pas immédiat. Ce n'est plus amoureux dans la peine. Ombre, tout n'est pas immédiat. Le vent qui souffle, les bateaux mouchent, les gens qui savent, mais le destin, il est là dans tes mains. Les voiles au loin, les écluses rouillent, aveuglés par la foule. Les oiseaux fourbes te jouent des tours, ils se moquent de toi, ils pensent, ils prennent des notes, ils se souviennent de tout, ils sont jaloux. Ce n'est pas amoureux dans la peine, non, moi tu n'es que, non, tout n'est pas immédiat.